de dingo, de fou, de sont de retour. Les dingos. C'est qui les dingos? J'ai tiré sur mon câble de... Putain, ça commence... Putain, je nique l'intro. Qu'est-ce que t'as fait? Je t'entends plus. J'ai tiré là-dessus. Allô, c'est bon. Pardon, excusez-moi. Est-ce que vous... on n'est pas sur un classique? Martin ne s'entend pas. Non, si, en fait, j'ai tiré sur le câble. En fait, je me suis emballé. On est installé un bar et il y avait un canapé et j'ai voulu me mettre au fond du canapé. Et du coup, j'ai tiré sur le câble et je ne m'entendais plus. Voilà notre meilleure intro de notre épisode 36. Non, c'est 33. Impossible. 33. De se mettre au fond du canapé. Ouais, 33, je crois. Non, on peut pas, le câble est trop court, mais j'ai pas fait gaffe, quoi. Et puis, depuis quand ces bancs sont troqués, on est dans le canapé? C'est quoi le rapport? Bah, on est quand même dans un troquet. Exact. Quel troquet, Martin? Le musical. À Fives. Super bar concert. Avec une terrasse insensée. Ouais, c'est grande. Il y a un chapiteau, il y a différents niveaux. Construction bois, des canapés en cuir. C'est fatos, ce soir, il y a un concert, je pense. J'ai pas regardé la prog, mais il y avait des micros, mais je suis pas sûr. Des fois, il y a des buffs aussi, des jams. Ou sinon, juste après, on fait un stand-up. Bah, moi, ouais, j'y pensais sur la route que j'avais dit en 2025, je fais mon premier 3 minutes de stand-up. Et il nous reste 15 jours, je vais pas y arriver. Vraiment, t'as envie de faire ça? Je sais pas, je me dis pourquoi pas. J'ai toujours eu envie de le faire là, dès qu'on a commencé le podcast, avant quand on écoutait d'autres podcasts. Et j'écoutais des gens qui faisaient du stand-up, je me disais pourquoi pas faire 3 minutes, tu vois. Dans l'idée. Mais est-ce c'est vrai que ça a l'air casse-gueule comme job, et que ça a l'air dur. Mais au-delà de ça, maintenant il y en a tout le temps, partout. Est-ce que ça te dégoûte pas? T'es genre. Ouais, un peu plus, ouais. Tu sais, ça devient un peu commun. C'est vrai. Mais. Mais toi, ce serait juste d'aller sur scène. Ouais, en fait, c'est juste une expérience. Je vais jamais faire plus, en fait, je pense. Tu vois. Ah ouais. C'est comme faire de l'alpinisme. Ou du bateau. Faire du stand-up, tu vois. J'aime bien tester des trucs, en fait, dans la vie. Et je pense qu'il y a aussi un truc d'adrénaline. Je pense que tu peux monter à 6000, mais tu peux monter sur scène. Et je pense que l'adrénaline, c'est pas exactement la même, mais elle est forte aussi, quoi. Non? Si. Tu flippes. Bide, machin, dernier, il faut y aller. Les gens, ils vont dire, faut y aller, t'as pas envie d'y aller, tu vois, c'est sûr. Alors, il y a à la fois la découverte, découvrir un nouveau truc, et en même temps, se mettre un peu en danger, quoi. Mmh. Pas se mettre, tu vois, mais... C'est clair. Parce que tu peux faire des nouveaux trucs, tu vois, tu lis un nouveau livre... C'est plus... Ouais, c'est... Tu te prends pas trop de risques, à part que le livre est pourri, quoi. Ouais. Toi, t'aimes bien qu'il y ait quand même cette part de... C'est ça, c'est pas vraiment se mettre en danger, parce que... Mais se mettre non, mais un peu, ouais... Ouais. Un peu d'excitant, quoi. Ouais. Et je me dis, c'est possible, tu vois, avec un peu de panache, tu vois. Tu dis, vas-y, c'est bon, je monte sur scène, je m'en fous. Bah, alors que je suis sûr que derrière, la dernière minute, tu t'en fous de rien du tout. Tu dois être transparent, tu dois être... Non, mais c'est marrant, tu sais, parce que, tu sais, il y a des gens, ils ont une passion, ils y vont à fond. Tu sais, ça peut avoir... putain, maintenant, je suis piqué par l'alpinisme. Ouais, c'est... J'y vais, quoi, j'adore. Ouais, les gens m'ont dit ça, ouais. Tu vas être piqué. Y a des gens qui m'ont dit, ouais, t'as fait l'alpinisme, tu vas être piqué. Et alors? Bah non, tu vois. Après, on habite à Lille, je sais pas si... Ouais, bah après, quelqu'un m'invite, il me dit, vas-y, viens, on fait une montagne, ouais. Mais je crois que de moi-même, je vais pas repartir tout de suite, quoi. Puis déjà, le matos, on me l'avait prêté. Je suis pas sûr d'investir plus. Après, là, j'ai un nouveau métier. Des chaussures. Donc je vais acheter un baudard, patati patata. Un baudard. Un baudard, un baudrier. Baudard, pour moi, c'est le même truc comme... Un sifflard, c'est un calandos. Ouais, il me semble que chez Olos qu'on avait un baudard, non? Si, au foot, mais même cette expression, la baudard. Oui, sauciflard, baudard, je sais pas, il y a quoi d'autre en art? Petit pain, connerre. Connerre. Mais ouais, du coup, je sais pas, ouais, nouveau trip, quoi. Stand-up. Donc, ah, mais voilà. C'est marrant, tu vois. Stay tuned. Non, mais c'est bien de tester, tu vois, d'être curieux. Ouais. Toi, t'as envie de tester un truc? Moi, c'est faire du bateau, ouais. Ça tue, hein. Par contre, bah, pour l'avoir fait avec Marin, c'est ouf, quoi. Ouais, mais toi, t'as fait. Ça fait peur aussi, quoi. Un putain de truc, quoi. Oui, parce que le bateau, il est penché de fou et c'est. Ouais. Toi, tu veux un petit bateau, ouais. Un voilier, tu vois. Bah, c'était un voilier, mais immense, ouais. Je crois qu'il y avait 30 mètres de carré de. Vous étiez nombreux dessus, quoi. 22. Ouais, tu vois, là, moi, si on est trois, c'est bien, quoi. Ouais, chacun était un équipier, et puis il fallait aller vite, fallait machin, fallait. Et puis le bateau, t'as l'impression qu'il allait se renverser, quoi. Tu sais, quand tu vois. Tu bloques tes pieds sur un bout de bois qui fait 10 cm, et après, c'est l'eau, quoi. Et t'es debout. Mm-hmm. Alors que t'es allongé. Tu vois ce que je veux dire? Je vois, ouais. Mais c'est beau, hein. Ouais, bah, si tu veux, on fera une transat. T'es chaud? Transat carrément, tu vois, c'est pas. Ouais, ouais, moi j'aimerais bien faire une transat. Ouais. Je vais faire une sortie. Ça, c'est dans mes idées. C'est vrai que tu peux aller juste en Angleterre. Ça, ça marche. Dunkerque, ouais, ou... hein, tu vas en Angleterre, tu reviens. J'ai un collègue, il a un bateau, ce qui fait pour le moment, il longe la côte, tu vois. Ouais. Avec son voilier. Parce c'est que. C'est qui oui. Je le connais pas. Non, je pense pas. Tu veux que je dise son prénom? Ouais. David? Ah non, je vois pas. Dave? Ouais, je l'appelle le gros dada. Mais il y a pas mal de gens, il ouais. Y a une asso à Lille, là, de tous leurs bateaux sont à Dunkerque, il y a un gars qui m'en a parlé, là. Justement, en rig. Ils ont tous des bateaux là-bas. Je sais en rig? En rig. Qu'est-ce que c'est en rig? Ring, ring, ring. Ring, ring, ring. Ring, ring, ring. Le rig, bon, on en parle après. Non, maintenant. Si tu veux, on en parle après. Non, mais c'est vrai que c'est un lien avec le bateau, la corde. Voilà. C'est mon nouveau métier. Je branche des moteurs en hauteur, dans les zéniths. Mais. Ah oui. Et pourquoi, pourquoi on a chanté cette chanson? Parce que quand tu m'as dit ring, la première fois, j'ai chanté ça. Quoi. Ouais, ouais, c'est Rita Mitsuko. Très bon morceau. Hein. Ouais. Et c'est ding, ding, dong. Ouais. Il n'y a pas de rig, mais bon, ça ressemble. Ring, ring, rong. Ding, ding. T'as vu très bon tu, morceau. En tu parles qu'en en langage genre intermittent, quoi. Baudard, le ring. Quoi, c'est, après, tu vas me dire, c'est les termes. Bah ouais. C'est... Bah, on dit pas corde de façon dans un bateau. La corde, c'est la. C'est la seule corde qu'on appelle corde, c'est celle qui sonne un homme à la mer. Ou un mort. Un mort, je crois. Un mort, carrément. Ah ouais. Sinon, t'appelles ça comment? Bah, chaque corde, du coup, chaque corde a un nom. Ah, ok. Genre, moi, j'ai une corde au taf, là, au rig, c'est une guinde. C'est pas une corde. Et en bateau, voilà, j'ai fait qu'une semaine avec marin, mais chaque corde a un... Comme ça, une utilité. A une utilité, voilà, elle est liée à son utilité. Comme du coup, les... tu dis, passe-moi le... Ou là, je sais pas, il faudrait que je trouve un nom de corde au moins. Comme les cordes de saucisson, quoi. Exact. Le blanc et noir, c'est. Je sais pas. Extra. Fut extra. Fut extra. De quoi les passions? Est-ce qu'on vit pas toujours avec un besoin d'avoir des passions? Tu vois, de se dire un petit truc, j'ai envie de tester, j'ai envie d'être curieux, tu vois. Parce que ouais, mais en même temps, est-ce que tu dis pas des fois, j'ai pas de passion? Je crois qu'il y a des gens, ils se disent j'ai pas de passion. Mais ouais, alors que t'en as, forcément. Mais... En fait, t'as une passion, t'as l'impression que c'est genre des pins, des maquettes. Des collections, quoi. Ouais, des trucs un peu cringe. On peut dire cringe? Ouais, par exemple. Gênant. Quelqu'un qui aime bien aller au resto, tu vois, sa passion, c'est de bouffer au resto. C'est, il aime bien la. Ouais. Il n'y a qu'à faire guide Michelin. Hein. Ouais, voilà, il nous fait pas chier. Non, en fait, ça, on a déjà parlé d'une émission, je suis trop jaloux, là. De... Des gars qui bouffent. Le gars, là, qui est super connu, il me saoule. Ah bon. Ouais, on tu parle vois pas qui de lui. Non. Il y a un nom de bourgeois là. Mais oui, je crois que tu m'en as déjà dit, ça me dit quelque chose. De quelque chose là. De toute façon, de quelque chose, ça nous rend c'est fou. C'est pas bon. C'est ça. Ouais. De Rungis? Non. De Médicis? Non. Et là, ça se trouve, il y a des gens, leur passion, c'est d'avoir une vie simple. Je fais mon petit truc, on me fait pas chier. Bah, c'est peut-être ça une passion, ouais, je sais pas. En fait, je crois qu'une passion, tu te mets un peu la pression, genre ça doit être beau, ça doit être fort, ça doit être intense. J'en sais rien. En même temps, passion d'épine, c'est pas très intense, ouais. Non. Mais il y a des gens qui pensent qu'ils en ont pas. Et qu'ils en cherchent une. Mais je me demande. Je pense qu'il y a parfois, il y a des gens qui se disent. Tu vois, par exemple, je me dis des gens qui ont eu des enfants. Ouais. Tu vois, les enfants, maintenant, ils ont 50 ans, les enfants partent. Et je dis, bon, bah, d'un coup, j'ai plein de temps libre, j'ai plus à m'occuper d'eux, ou j'en sais rien. Ouais. Ou quelqu'un qui est à la retraite, en disant, bon, ouais. Bon, bah, j'ai. Je dis pas que sa passion c'était son travail, mais d'un coup, je fais, bon, bah, j'ai plein de temps à m'occuper, quoi. Ouais, mais mes parents, t'as vu, ouais, ils sont partis full sport, quoi. C'est des sportifs de haut niveau, quoi. Ils sont retraités depuis pas longtemps? Ouais. Genre, depuis pas longtemps, ouais. Et genre, t'sais, tennis, je sais pas, ils font des trucs. Ouais, ouais. Ils sont même bénévoles maintenant, dans le club. Ils se sont investis, tu vois. Mais ça, c'est pareil, s'investir dans des assos, c'est stylé. Hein. Bah oui, c'est stylé. Est-ce que je t'ai déjà raconté l'histoire de la meuf qui arrive dans un village? Elle vient pas de ce village-là, ils arrivent pour s'installer et pour s'intégrer au village, elle va à la mairie et elle demande c'est quoi les assos de la mairie. Tu connais cette histoire? Elle est trop bien, cette histoire. Non. Du coup, pour s'intégrer donc, dans un village, c'est pas mal, tu vas voir les assos, justement les passions, machin. Toi, t'es assez ouvert d'esprit, tu te dis bah, comment je vais rencontrer des gens du village. En plus, il y a des régions où c'est plus dur que d'autres, tu vois. Je sais pas critiquer, mais genre. S'intégrer en Savoie, c'est plus compliqué que s'intégrer à Lille, quoi. Dénoncer beaucoup de nazis, c'est ça que... Bah, je sais pas, mais voilà, le Savoyard, il est un peu moins ouvert, mais alors qu'il est très gentil, mais... Bon, bref, c'est un jugement peut-être hâtif. Et du coup, cette meuf-là, elle dit... Peut-être caché aussi des... Des... Bah, des juifs, tu vois. Peut-être. Je sais pas. C'est pas moi non, qui... Non, mais c'est des préjugés c'est qu'on a. C'est pas moi qui... Mais c'est pas toi, non. C'est pas moi. C'est personne. C'est l'histoire. C'est l'histoire qui nous dira. Et cette histoire, c'est notre histoire. Ils ont oublié trop de chapitres. Amnésie sélective, bonne conscience collective. Ouais. Sinsemia. Oh putain, il n'y a plus de cheveux, c'est triste, là. Tu l'as revu? Ouais, ouais, elle est traite, ça fait mal. Oh là là. Pardon, je t'ai coupé. Moi, je l'ai revu à un salon, mais il n'y avait plus de cheveux, j'ai pas reconnu que c'est. Les gens m'ont dit, mais c'est le chanteur Sinsemia, je me dis, non. À un salon? Ouais, je crois qu'il lui restait un dread. Un salon de quoi? Tu sais, c'est le dread de la nuque, de musique. Quand je travaille dans la musique. Et bref. Donc, elle va. À la mairie. Elle dit, bah voilà, ou la maison des assos. Je crois que c'est la... mais dans les villages, c'est la mairie qui fait tout, quoi. Et elle dit, il y a quoi comme assos? Et la meuf, elle lui sort quoi? Des assos, comme d'hab. Et à un moment, elle lui dit curling. Curling féminin. La meuf fait, ok, banco. Elle est allée au curling, mec, elles sont devenues championnes de France. C'est quelqu'un que tu connais ou c'est une histoire que t'as entendue? Je l'ai rencontrée, cette femme. Ah ouais. En fait, je suis passé chez elle pour... parce que son mari était charpentier, on était charpentier, on devait aller chercher du matériel. Et ça, c'était en Savoie? En Savoie, ouais. Ah, ok. Et j'ai trouvé cette histoire trop belle. Elle est devenue championne, elle a une médaille de championne de France de curling. Parce que c'est tellement un petit niveau, un petit. Tu sais, c'est une niche monde, ouais. Que tu peux être champion de France, quoi. Ah, c'est vrai que c'est une histoire. Et du coup, voilà, dans son village, elle est connue, elle est championne. Enfin, bref. Mais oui, mais de toute façon, c'est toute la. Alors, pourquoi on disait ça? Et elle n'est pas passionnée, je pense, par le curling, tu vois. Mais elle est passionnée par la rencontre des gens, par le partage et. Elle cherchait du lien social, ouais, au début. Tout à fait. C'est drôle parce que le curling, c'est un sport improbable. Bah, mais finalement, on aimerait bien. T'imagines, toi, nous, on ferait du curling, ce serait drôle, non? Je sais pas. Bah, après, je parlais de l'aviron, mais. Une fois, ouais, mais. Je pense que nous, on a un petit côté peut-être bobo. On se dit, voilà, tu vois, moi, je me dis, oh, la mer, tu te retrouves vers toi-même. Ou un truc le bateau. Ouais, puis il y a le côté un peu aventure. Ouais. Je pense qu'il y a. Bah, les éléments et la voile, c'est, hyper, c'est quand même technique. Du coup, c'est intéressant de voir tu vois, comment gérer une voile. Oui, puis il y a un truc que je connais pas du tout. Donc, je suis curieux. Tu vois, j'ai juste fait du catamaran quand j'étais petit, une sortie d'une heure et demie. Et puis voilà, quoi. Oui. Puis, j'aimais bien, quoi. T'as tiré sur le bout? J'ai une corde. J'ai levé le grand phoque. Je m'étais mis en trapèze. C'est sur le catamaran, tu mets tes pieds contre la coque et okay. T'as le cul dans le vide. Putain, t'as fait ça, en trapèze. Oh, ouais. T'es un dingue, toi. Bah, tu vois, t'as le vocabulaire, fonce. Je vais être comme ça, tu sais, avec les gars. Parce que t'as des clubs, effectivement. Je, ouais, je peux faire du trapèze. À un moment donné, moi, je voulais passer le permis bateau. Tu vois, j'ai des dubis comme ça. Et bah, pour un voilier, t'as pas besoin du permis bateau. Non, parce qu'il n'y a pas de moteur. Ouais, voilà. T'as quand même obligé d'avoir un moteur pour sortir du port. Non, bah alors, là, il te faut un permis. Bah non. T'es sûr? Je pense que dès qu'il y a un moteur, il y a un permis. Bah là, juste pour sortir, non. T'es obligé d'avoir un moteur pour sortir, tu mets pas ta grosse voile. C'est ce que m'a dit mon collègue Dada. Yoda? Dada. David. Trop stylé. J'aimerais bien qu'on m'appelle Dada. Non mais en fait, il m'a parlé de son bateau, je lui ai posé plein de questions, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est que lui, il est amateur de ouf, et puis ça se cache pas, tu vois, genre, bah je suis amateur, on est un peu nulos, mais on aime bien ça. Quand je suis là-bas, j'adore ça, je pense plus à rien, ça me détend. Mais je pense qu'il y a plein de bienveillance en plus, tu vois. Après, il y a peut-être des milieux où t'es mal reçu, tu vois. Mais le bateau, je pense que c'est cool. Il m'a dit trop bien reçu, ouais. Solidarité avec les autres. Je pense qu'en alpinisme, par contre, ça se tire un peu la bourre, je crois. Je crois. Ouais, quand j'étais champion. Mais j'en ai fait, ça s'est bien passé. Mais... Moi, j'étais comme ça. Quand t'étais champion, ouais. Ouais. Je m'en veux. Mais oui, quand tu pousses le mec là. C'est... Hein on dans l'Himalaya. Hein bah, il est encore là-bas, hein. C'est quoi, boîte verte? Comment ça s'appelle? Casquette verte. Non, mais tu sais que t'as des repères de cadavres à l'Everest. Ah ouais, ouais. Et il y en a un, c'est boîte verte, je crois. Ouais, mais tu vois, maintenant, on se rappellera toute sa vie. Quoi, toute sa vie, il est mort, mais de lui, tu vois. Bah, c'est un bel hommage que tu lui as fait. Voilà. Voilà. Tu vois, moi, je suis optimiste, je vois toujours le verre à moitié plein. Le verre? Comme par hasard. Pas de soucis. Ouais. Essaye pas de me voler la vedette. Et paf. Bon, je crois que c'était en 78 et c'était une tempête qui l'avait tué. Si vous avez un doute sur Pierrot, et Pierrot n'est jamais monté au-delà de 2300 euros. 2300 mètres. 2004. Ah ouais, c'est vrai. C'est pas pourquoi je t'ai déjà dit ça. Non, j'ai dit au pif. Peut-être, c'est sur 3000, impossible. Mais oui, oui. Et je ouais. Pyrénées. Ouais. Puis je sais pas. Au Pyrénées, il y a peut-être un col à 2007, peut-être. Eh, dis donc, on bavasse hein, depuis tout à l'heure, ça bavasse. On n'a regardé aucune note. Ouais. Et donc, c'est ton nouveau travail, Ring. Il y avait quelque chose à dire de plus? Rigueur, ben non, mais c'est intéressant. Ça, en fait, je trouve que ça croise plein de trucs. Je sais pas si ça va intéresser les gens, mais en fait c'est un métier que personne ne connaît. En fait. Jamais tu vas faire une formation pour être rigueur quand tu as 17 ans. À part Margaret Thatcher ou Elizabeth Borne, les reines de la rigueur. Ah oui, voilà. Mais sinon, tu vois, personne ne connaît ce métier. Et en fait, c'est les gars qui arrivent avant tout le monde, quoi. Genre, il n'y a rien, et tu vas monter des moteurs, et après, ça, Dans un zénith. Dans un zénith, c'est où. Mais après, il y en a dans les festivals, il y en a un peu partout. Mais en gros, c'est les premiers qui vont créer l'implantation des moteurs qui vont monter les lumières, le son et tutti quanti. Et dès que toi, t'as mis tes moteurs, tu te barres, quoi. Ouais, et tu reviens au démontage, ouais. Exact, tout à fait. Pour okay. redescendre les choses, quoi. Et pour le moment, alors je sais que c'est le début, il n'y a pas un gars qui t'a fait « le moteur, comment tu l'as monté ?» Nul. Non. C'était trop long. Non, mais pareil, tu vois, c'est comme le bateau, où, je sais pas, les gens, ils sont hyper bienveillants, quoi. Genre, ils t'expliquent, toi, tu fais ce que t'as compris, et après, ils reviennent, ils font « ouais, bah non, en fait, la manie, faut le mettre comme ça, les manies, c'est dans des mousquetons à visser, quoi. » Ils disent « bah non, en fait, ça, c'est comme ça, tac, tac, tac, t'apprends, puis les termes, t'apprends les baskets, les... » En fait, c'est drôle, parce que le premier jour où je suis arrivé, il y avait une histoire de « ouais, bon les gars, on fait gaffe, la fois il y a une basket qui est tombée, naninana, et moi dans ma tête... » T'imagines une vraie basket. Une basket, tu vois, j'ai dit « ouais, il y a quelqu'un qui a perdu sa pompe, tu vois, elle est tombée. Oh, » Comme là, tu là. Montes en haut. Ouais, tu vois, mais c'était mon premier jour, donc j'en savais rien, quoi. Et au fur et à mesure, tu vois, la matinée, elle passe, je fais « ah, une basket. » Et une basket, c'est pas rien à voir avec une basket, quoi. C'est un montage des lingues, tu vois. Et en fait, ce qui est tombé, c'était ultra lourd et ultra dangereux, quoi. C'était pas une basket Nike. Nike, tu vois, forcément Nike. Quand t'arrives au premier jour, tu dis rien, t'écoutes, t'observes, de pas. Voilà. Moi, j'essaie de pas faire de conneries, quoi. Je suis sûr que moi, j'aurais vu que t'aurais pas capté, j'aurais vu tes yeux. Ouais. Parce que je vois quand parfois ça, tu captes pas, je vois tes yeux qui font. Une basket. Il est fâché quand même. Pourquoi le mec, faut bien mettre ses lacets quand même. Ouais. Ouais, et puis il est reparti sans sa basket, c'est quoi cette histoire? Mais c'est vrai, je me souviens, les profs de sport, ils disaient toujours bien faire notre lacet. Mais en fait, ils avaient raison. Mais je me suis dit vraiment ça, mec, j'avais l'image, tu vois. C'était fou, quoi. Mais je la raconte ça maintenant aux gens. Je suis arrivé à Paris Défense Arena, il y a tous les Parisiens, on dit ouais, ils ont un caractère de merde. Tu verras, ils se la racontent. Bon, tout arrive. Jamais, moi je suis jamais allé là-bas hein, voir un concert, tu sais, c'est des salles, genre ils font de la motocross, ils font des. Ouais. Tu vois, c'est démesuré. Tu vois 1000 personnes, tu comprends rien. Et moi, à chaque fois que je parlais aux gens, je dis ouais, bah moi, et je raconte cette anecdote, tu vois. Moi, je viens d'arriver, moi, une basket, je crois, pourquoi c'était une basket, je sais pas. Et voilà, il dit quoi, il rigole. Ça les fait rire, ouais. Mais moi, en plus, je traîne avec souvent les gens cool, j'arrive à, tu vois, bien. Et puis, je sais pas, j'ai une bonne étoile, genre, ils m'ont mis dans une équipe, il y avait un seul Parisien. C'était deux gars de Strasbourg, un Belge, enfin c'était l'équipe... Salut Martin. Ouais, c'était trop drôle, quoi. Tu veux pas tomber la basket cette fois-ci? Pardon, je fais les accents. Ouais. Strasbourg, je vois. Ouais, c'est bon, j'avais envie. Ouais. Eh, on est vendredi, on vous a pas précisé. En plus, mais c'est suisse que tu viens de faire, en fait. Mais strasbourgeois, ils ont un peu un drôle d'accent aussi. Ouais, hein. Mais là, c'est Ovo Maltine que tu fais. C'est de la dynamite. Ouais, voilà, ça marche pas, tu vois. T'as reconnu la voix que tu fais la même? Ouais, mais bon, lâchez. Alors, je reprécise. Vous avez pas d'accent. On est vendredi, il est à peu près 18h45. Pour remettre dans le contexte. C'est les vacances scolaires des fêtes de Noël. Ah ouais? Ouais. Aujourd'hui? Ça a commencé ce soir, ouais. Ouais. Donc tout le monde est un peu fatigué. Je sais pas si... Bah non, tu travailles pas. T'es fatigué aussi, tu vois. Mais moi, tous mes collègues disent « je suis fatigué ». Tout le monde dit « On en a marre. Le peuple en a marre. » T'as vu que chanson aujourd'hui revendicative? C'est Tikandia. Yes. Le balayeur. Balayer. Je vous entends pas. Et ouais, il y a 2000 personnes devant nous, on avait voulu vous le dire. C'est en public, mais on n'a pas mis le micro d'ambiance. Donc voilà, c'était juste pour remettre dans le contexte pourquoi je dis n'importe quoi, je fais des accents. T'es parce fatigué. Je suis un peu en roue libre. Mais on t'en veut pas. On m'en veut pas. On est content d'ailleurs, épisode 33 du coup. J'ai pas vérifié, Martin. Je pense que c'est ça. Si. Bienvenue du coup. Voilà, ça fait déjà 20 minutes. Mais... T'arrives à voir? Parce qu'en fait, non, c'est vrai que c'est pas, un peu sombre. Semblant, je fais semblant. 18. C'est un peu sombre. Vous pouvez vous allonger, on va commencer, c'est parti. C'est parti. Si vous êtes en train de conduire, n'oublie pas de mettre le clignot. Si on est sur l'autoroute, on reste pas sur la file du milieu. Ah ouais, c'est relou là. Si vous êtes au bureau, rentrez chez vous. Ah ouais, clairement là, faut rentrer. Si vous êtes en train de faire à manger, j'espère que c'est très bon, vous nous laissez une petite part. On vous rappelle qu'il y a toujours notre concept, on ira banc et troquet chez vous. Ouais. Vous nous envoyez un message, on vient chez vous, on banc et troquette. Il y a déjà des gens qui ont postulé. Hein. Ouais. Faustine. Ouais. On a postulé. Louis. Voilà. Exact. On les oublie, hein. On cherche des lieux. Où... Et on le fait pas, ouais. Ouais. Mais parce qu'on voulait refaire. Moi, j'avais grave envie de refaire un troquet, quand même. Ouais. Alors que la dernière fois, on était dans un. Un banc. Troquet, on était à Fifkai, non? Non. T'es sûr? Le dernier, c'est Fifkai. Je pense, ouais. Et l'avant-dernier? Un banc. Ah bon. Bon, moi j'ai l'impression, vous nous direz dans les commentaires qu'on fait quand même, j'ai l'impression, beaucoup de... Parce qu'on a beaucoup de commentaires sur Insta. On tiendra les comptes. Allez, à 40, si on tiendra les comptes des pourcentages banc ou troqué. Ouais, S'il vous plaît. Sinon, ça changera, on l'appellera Bamban Troqué ou Bamban et trop. Non, Bamban et trop trop troqué. Ok. Trop troqué. Trop troqué. Ah bon oui. Et trop troqué. Mais on fera jamais trop troqué. Je crois qu'on fait trop de bancs, moi. Moi, je suis plus banc, c'est pour ça. T'es plus banc. Ouais, je suis fan des bancs. Moi, j'avoue, il y, y a des beaux bancs quand même. Mais en fait, quand je marche en ville, je suis comme ça à me dire, ah, il est pas mal ce spot. Non, mais il y a des gens qui m'envoient des bancs. Genre au bout du monde, il y a un banc. Ben, il y a un... quelqu'un qui nous écoute là. Ah putain, j'ai un trou de mémoire. Il m'a envoyé un banc au milieu de la montagne, il est trop beau, en haut d'un sommet. Ouais. Parce voilà. qu'il croit qu'on a une passion pour les bancs. Alors qu'on n'en a rien à foutre. Mais non, exactement, tu viens de le dire. C'est bon. PO, merci Pierre-Olivier, désolé, j'ai mis du temps. Que j'ai rencontré en Savoie. Et du coup, il m'a envoyé un banc qui est hyper accessible. J'allais pas faire, du tout. J'allais faire l'accent. Il devait être à 3000. Vas-y, j'en fais, mais en Savoie. Pff. Je vais faire quoi ? Salut ! Ah, c'est toujours le même, c'est toujours au Maltine. Ok. Non, non, mais je crois que j'ai déjà raconté. Moi, quand j'étais petit, j'avais vu des Strasbourgeois jouer au tennis. Et c'était un père et un fils. Et le fils, il s'était embrouillé sur son père un moment. Et ils étaient là avec l'accent Strasbourgeois. Moi, j'en ai rien à foutre de ce qu'ils jouaient. Mais juste, je les écoutais parler. Mais papa, tu m'énerves maintenant, j'en ai marre, arrête ! Mais je non. fais mon service comme je veux. Waouh, j'avoue, c'est beau. Ouais, ouais. Mais t'imagines le gamin tout seul, il devait regarder de l'autre côté. Pourquoi il nous regarde, lui ? Je suis sûr qu'il nous veut du mal. Ouais, t'as pas une tête de méchant. Ouais, mais tu sais, peut-être qu'au bout d'un moment, il dit, bon, ça fait un moment qu'il sourit, il est chelou. Pourquoi il nous regarde, c'est vrai ? Bah, c'est bon, ouais. Après, c'est tu fixais ou tu suivais un peu la balle ? Bah, j'étais sur un banc. Un banc, déjà, à l'époque ? En ouais. fait, t'es né sur un banc, toi. Bon, je pense que je devais attendre un copain pour jouer. J'étais dans un centre de vacances. Et du coup, je faisais un petit tour en même temps. Tu vois, là, il y a le court de tennis, il y a les trucs de pétanque. Là, il y a les bons, là, il y a la piscine. Là, je faisais ça, quoi. L'accent, il revient. Et, quoi, la piscine. La piscine. Papa, je fais les gros ploufs, si je veux. C'est parti. C'est parti, bon et troqué. Ciao, potard, coupa de pas, tout bas, tout bas, tout bas, tout bas. Tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin. Ah, c'était en Charente, à Royan, que j'ai fait du trimaran. Je te connaissais pas, Martin. Tu veux des anecdotes à moi ou c'est toi qui commence ? Vas-y, vas-y. J'ai vraiment beaucoup de choses parce qu'à chaque fois j'en note plein et on développe pas. Ah oui, bah vas-y, ça je sais pas si c'était drôle, mais j'avais envie d'en parler. Je disais que en fait, c'était une réflexion grave. Est-ce qu'on devrait peut-être pas arrêter Bon et Troqué ? Quoi ? Bah parce qu'en fait, la célébrité, parce que ouais, on commence à être célèbre. Yes. Voilà, c'est ça la question hein, de fond. Et est-ce que la célébrité, c'est pas du coup devenir exemplaire ? Tu Quoi ? Vois ? Bah tu vois, quand t'es célèbre. Tu dois bien faire attention à ce que tu fais finalement. Tu vois, on doit faire attention à ce qu'on dit, ce qu'on fait dans la rue. Tu imagines, quelqu'un te croise, Pierrot, il dit, oh, c'est Pierrot de Bon et Troqué. Ah, il crache par terre. Tu vois. Oh non, il fume. Oh non. Tu fais enrhumé, quoi. Tu dois être. Et du coup, ça m'a fait penser à la vidéo de Nawel. Tu vois un peu, Nawel, elle fait du stand-up. C'est, si, je sais pas. Okay. C'est Nawel, elle était dans les premiers Jamel Comedy Show. Voilà. Ça te parle un peu ? Vas-y, vas-y. Tu vois, et donc cette meuf-là, en fait, elle était à Paris, sur les Champs-Élysées, je crois. Et il y a un père et ses deux enfants, ils se promènent. Et les deux enfants, ils font « Ah, c'est Nawel et tout ». Et du coup, le gamin, il va la voir. Et je crois qu'il dit « Ouais, il y a moyen de faire une photo, s'il vous plaît ». Et je sais pas, il tire sur son sac. Ou un truc comme ça, tu vois. Et elle a peur. Elle lui a mis un front kick. Oh. Genre, elle a éclaté le gamin. Oh merde. Ouais. Et elle le traite. Il y a une vidéo comme ça qui traîne tout. Et je me suis dit « Putain ». En fait, on va pas juger qui a tort. Bon, on sait que c'est elle, on fera pas les enfants. Mais ça m'a fait rire. Je me suis dit, en fait, quand t'es célèbre, ben, t'as pas le droit de faire de merde. Voilà. C'était ça, ma grande réflexion. Mais elle abuse. T'as pas vu cette vidéo tourner ? Et du coup, le père était deg, ils ont porté plainte. Mais elle a front-kické un gamin, quoi, qui voulait faire une photo, quoi. C'est vrai ? Ouais. Je te rapprochais un peu si tu voulais t'étaler. T'as vu ? Mais moi, un canapé, ça me donne envie de m'allonger. Non, ça me dit rien du tout. Mais qui c'est qui a jamais tapé un enfant ? Je t'avoue que j'ai déjà fait une petite tape à mon neveu quand il était petit, sur les parce fesses, parce qu'il faisait un peu des bêtises, tu vois. Et à un moment, j'ai fait une petite tape sur la main, et j'ai fait « c'est nul, Pierrot ». Et bon, qu'est-ce qu'il a fait ? C'est, il commençait à parler un petit peu, il a cafeté à son père. Ouais. Puis son père, il a fait « mais tonton Pierrot, il va pas faire ça, quoi ». Ouais, bon, tu t'es fait engueuler. Non, tonton Pierrot certainement pas. Mais oui. Puis moi, je suis comme ça. Bah oui, je vais pas faire ça. C'est le dialogue, quoi. Ouais. Non, en gros, en tout cas, quand t'es célèbre, évite de faire de la merde. Voilà. Et comme nous, on est célèbre, je voulais te dire, est-ce qu'on continue de développer notre célébrité qui grandit chaque jour un peu plus? Je sais bien, ouais. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire marcher le merch, tout ce qui est t-shirt, bon, les troquets, pull, CD. On fait des CD, cassettes, VHS. Faut que je ferme mon compte Twitter où je défonce les mecs qui nous défoncent bon et troquer en disant ouais vous êtes trop nuls. Ouais. Ok, faut que j'arrête. Enfin je sais pas, mais en tout cas est-ce qu'on devient, on arrête ou on continue et on est exemplaire ou on continue. Je sais pas, tu vois la réflexion. Je sais pas là. Mais on va pas prendre la décision tout de suite. Tu vois, mais je suis en plein mais doute. Tu vois quand t'es dans la rue à Lille par exemple, tu vas la dernière fois on fait Pierrot viens là et tout, et, tu vois et toi t'as pas envie. Je t'avais dit de pas mettre de photos sur l'Insta. Voilà, et toi tu veux boire un café et tout le monde vient vers toi, le regroupement. Tu sais que les cafés ça t'énerve, après tu craches partout. Et toi t'es là, tu fumes ta clope, monsieur c'est interdit, il y a une école. Ah putain, que j'en ai. Enfin... Monsieur mettez un pantalon, il y a une école encore. On fait ce qu'on veut ou Ouais, exemplaire. Donc voilà, je voulais prévenir que Bon et Truquet peut s'arrêter donc, si on n'arrive pas à se gérer en public. Et je pense que c'est l'argent qui nous rend comme ça aussi. C'est vrai que c'est... Bon, être ok, c'est plutôt rentable. C'est, ouais, c'est sur-rentable. C'est... Je pense que cumuler le matos, hein, on n'est pas du tout en déficit. Ouais, on est, ouais. Non, c'est une passion, c'est une passion. Ah, voilà. C'est un plaisir. C'est un plaisir, bien sûr. C'est vrai, quand on en sort, on est un peu détendu. C'est fou, hein. Tout le monde devrait faire son podcast, hein, je vous le dis. Ouais. Ouais. S'écouter, quoi. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Écoutez-nous. Écoutez-nous. Écoutez-nous. Et après... Écoutez-vous si vous voulez. Et on vous écoutera. Rappelez-vous quand vous étiez petit, que vous aviez un lecteur cassette et que tu faisais record. Comme ça, là, que tu t'enregistrais tes spectacles. C'est vrai. Ça part de là. Hein. Ah ouais, les ouais. premiers podcasts, c'était ça. Ouais, ouais. Puis parfois, tu mettais en avance rapide ou tu faisais en reverse. Exact. Ah ouais. On a tous fait des spectacles, je pensais que c'est ces petits trucs. Quand j'étais petit, moi, je faisais des spectacles avec mes cousins l'été. Et ouais. Et c'était enregistré sur cassette ou... Non, il y avait notre cousine qui faisait une affiche. Notre cousine qui était plus grande et tout, je sais plus comment on s'appelait. Mmh. Et genre, on faisait un faux concert, puis après, on faisait un feu d'artifice avec trois pétards. Très bien. Et on demandait à notre oncle, nos oncles et tantes de regarder. Bah, ma meuf aussi, elle faisait ça quand elle était petite, tu vois, c'est connu. Il faisait des spectacles avec son frère, je m'allongeais, excuse-moi. Et il faisait payer, je crois, le spectacle. Ouais. Ah nous, non, on faisait pas payer. Quoi. Ouais. Voilà, c'est le début du capitalisme en fait, même. Mais je crois qu'on avait même fait des trucs un peu drôles, mais c'est drôle nul. C'est-à-dire, il y en a un, tu mets les... Il y en a un qui est devant, et l'autre, c'est les mains de l'autre qui est derrière. Et il lui fait manger un yaourt à celui qui est devant. Mais c'est génial ça. C'est génial. Hein. Tu sais qu'on a fait ça en soirée. Ah ouais. Ouais. Avec une pote, Adrie, elle me dit vas-y Martin, t'es chaud. Il y a un truc trop drôle à faire, faut que tu me suives. On l'a fait ça en soirée. Elle me dit moi je fais tes mains. Et on coup, doit c'est faire... toi qui bouffais l'yaourt. En fait, genre, les gens, ils sont... on est tous ensemble dans. Non, moi je sors. Et elle reste avec les gens. Ils choisissent un truc à faire deviner. Toi, tu sais pas ce que c'est. Tu t'installes sur la table, elle fait tes bras. Et les gens, ils doivent t'aider à trouver la phrase ou les mots. C'est toi qui dois deviner. Ouais, et il y a les bras qui t'aident, tu vois. Mais c'est mec, c'est trop drôle. Ah trop ouais, drôle. C'était tu mangeais pas un yaourt, quoi. Non. Mais ça non, m'a fait penser oui, à okay. ça, cette histoire. Ah ouais, c'est marrant. De toute façon, quelqu'un qui dirige tes bras, enfin, tu mets un corps avec des bras de quelqu'un d'autre, c'est déjà drôle, quoi. C'est déjà hilarant. Ouais, carrément, c'est une bonne idée. Faudrait qu'on fasse, on fait plus de jeux, on est tous sur nos téléphones. J'ai fait ça, c'était cette année, je crois. Ah, cette année ouais. Ah ouais? En soirée. Avec tes potes, quoi. Des bars. Je sais c'est pas comment ça s'appelle c'est ce jeu. C'est qui ces gens? Bah, il y avait Tom. Ah bon, ouais. On va pas. Tom. Si, ouais, je vois. Okay, ces gens-là, quoi. Ces gens-là, ouais. Ah ouais, ok. Y a pas de souci, mon pote. Si toi, pas si on se joue avec les autres. Ah oui, bah, mes amis, quoi. Mes amis. Bah, nous, on est collègues, je te rappelle. On est collègues. Voilà. C'est professionnel. C'est juste professionnel. C'est juste pécunier. On s'est pas revus depuis le dernier épisode, d'ailleurs. Non. Ça va? Ouais, ça a été, ouais. Ah, cool. Ouais, bon, je suis allé boire un coup avec mon ancien collègue après. Qui? Nicolas. Ah ouais? C'est cet épisode-là où il parle. Ah oui, qui parle de ses dents de sagesse. Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'on en. Non, j'ai... Très belle intervention. Il n'y aura pas d'intervention, je pense, ce soir. C'est assez calme et musical. Ouais. Mais après, c'est peut-être Yeto. Peut-être j'en arrive pour le concert. Après, c'est grand. Moi, je pense pas qu'il y ait un concert. Bah, ils avaient installé quand même deux trucs. Hein. Il y avait deux micros. Ah, c'est peut-être nous, on stand-up, ouais, t'as raison. Ouais. C'est parti. Et d'ailleurs, moi, mon rêve, c'est que ce soit Pierrot qui écrit mes textes. Ouais. Je fais mon 3 minutes. Voilà. Ah oui, moi, je veux bien, ouais. Ouais. Comme ça, je vois si ça marche ou pas, quoi. Oui, c'est moi qui me casse la gueule. Exactement. Ouais. Moi, j'ai rien à faire, quoi. Après, moi, je pourrais t'inviter sur scène, tu vois. Et dire, ouais, c'est lui qui écrit mes textes, tu vois. Je pourrais, tu vois, faire ça, tu vois. Ouais, moi. Ouais. Et tu viens pas, tiens, tu restes tout seul. Bah, y a personne. Ouais, bah, voilà, en fait, c'est moi. Dans ma tête, ouais. Vous avez compris pourquoi vous avez pas ri. Voilà, je suis tout seul. Deux dans ma tête. Et là, en fait, là, j'ai cru que c'était une basket qui tombait, quoi. C'est vrai, je voulais faire ça. En fait, pas du tout. Ah ouais, putain. Et mon pote, en fait, il me dit, ouais, je vois quand tu sais pas et tout. Voilà, quoi. Ouais, c'est toi qui vas monter sur scène, en fait. Bah, du coup, c'était ça mon anecdote. Elle était bien ou pas? Ouais. Elle date de un mois, je pense, au moins. C'est pour ça que tu captais pas ce que c'est cette vidéo. Quelle vidéo? De Nawel qui tape ce gamin, quoi. Ça me dit rien. Je sais même pas qui c'est Nawel. Bah, c'est une des premières de Jamel Comedy Show. Je crois que je vois maintenant avec des cheveux bouclés. Ah, c'est une rebeu, ouais. Ouais. Oui, je vois quand le oui. Ok. Là, juste le fait qu'elle est jolie, tu vois. Oui. Mais si, je vois. C'est pas de jugement, hein, c'est genre elle joue sur son sketch, il joue un peu là-dessus. Si. Je crois qu'elle a fait un peu des films un peu de merde après, quoi. Et elle a joué dans certains films, peut-être, ouais. Des films un peu pourris, quoi. Tu t'es pas dit, tiens, ouais, génial. Ouais, faut bien manger, hein. Faut bien être riche. Hein. Mais je me demande, elle a fait un bon film, en fait. Tu dis ça, mais je crois qu'elle a fait un bon film, genre un peu sur son histoire avec son arrivée à Paris. Du coup, en fait, elle a fait un truc bien, je pense. Ce film est bien. Genre, elle arrive à Paris pour faire du stand-up, patati patata. Ouais, bon, je retiens juste sa filmographie. Mais comme on ne peut pas vérifier, bah, je vous invite à vérifier vous-même. Voilà. C'est à toi de dire une anecdote, sinon j'enchaîne, hein, comme tu veux. J'ai des trucs jolis, moi. J'ai que des trucs beaux. Mais je le sens que t'es chaud. Vas-y, en plus, t'en as plein. Vas-y. Bah, en fait, j'ai travaillé. Du coup, il s'est passé plein de choses. Hein. J'ai travaillé avec les ateliers de la Briche. C'est une expo qu'il y a eu à Saint-Saul. Et du coup, j'ai rencontré plein de gens qui me racontaient des histoires tous les midis au catering, à la cantine, quoi. Allez, pas aux toilettes, je les ai pétées. Une meuf, elle est maman. Yes. Et du coup, elle expliquait que ils avaient déjà un fils et ils allaient attendre une fille. Et ils ont demandé au fils comment ils voulaient qu'on appelle sa petite sœur, quoi. Et il a dit jus d'orange. Ah, c'est marrant. Et la meuf, sur sa carte d'identité, elle s'appelle Suzanne Jus d'orange. C'est ses prénoms. Genre, trois prénoms. Genre, c'est ça, Suzanne, Jude. Et orange, en tout cas. Ah, ok. Mmh. Ouais, c'est bien tourné. C'est bien tourné. C'est parce tourné de ouf, mec. Sinon, à un moment, je me suis fait. Waouh. Non, elle s'appelle Suzanne, tu vois. Mais voilà, ils ont fait plaisir. C'est un délire. Parce que dès le début, je me suis dit. Waouh, c'est un peu une idée de merde. Ouais. Mais c'est rigolo, non? Elle est marrante. Bah, ils rebondissent bien sur leurs pieds. Je trouve. Oui, je trouve ça beau, quoi. Je trouve ça mignon. Jus d'orange. Voilà. J'essaye maintenant de penser. Et peut-être que la petite sœur, elle va le traiter son frère plus tard, mais ce sera leur histoire. C'est les deuxième et troisième prénoms, ça va. Mais oui, jamais elle l'utilisera, tu vois. C'est mais pas... genre sur la carte d'identité, passeport, Suzanne, je dérange, quoi. Des fois, on nous demande. Hein. Aux examens, aux examens. Voilà. Mais après, j'en ai encore plein des histoires de ces gens-là. Hein. Mais j'ai tout noté, en fait, à la cantine, ça me faisait rire. Mais moi, j'avais noté pourquoi on a trois prénoms. C'est vrai, bah vas-y. Mais sauf que je me rappelle plus. Bah, c'est les grands-parents. Je crois qu'à la base, moi, c'est mes deux grands-pères. Il y avait beaucoup le même prénom il y a très longtemps. C'est beaucoup de gens, genre. Ah, donc en fait, pour distinguer, on en a mis d'autres, quoi. Ah, ok. Je crois qu'à la base, c'est ça, quoi. Mais effectivement, maintenant, ce qui est rentré, c'est. Il y a des pays, c'est encore plus. Ça dépend des cultures, en fait. Ah ouais. Parce que, genre, en Espagne. Olé. Ouais, ils rajoutent toujours un prénom en plus, quoi. Ils en ont 50 000. Avec les noms de famille. J'ai pas exagéré, 50 000. Non, bah. Je crois qu'hier, on a discuté, t'as dit 50 000. Je fais pourquoi pas 100 000 C'est sûr, plus. Mais en gros, selon les cultures, je sais plus exactement, comme d'hab, c'est bon, il est trop ok, bienvenue. Mais en Espagne, il me semble qu'ils rajoutent toujours un prénom, quoi. Mais ouais, mais moi, tu vois, j'ai écrit pourquoi on a trois prénoms, ça devait être tellement évident, mais je crois que c'est ça le truc. J'ai pas mis l'explication dessus. Ah, mais moi, mes prises de notes, elles sont pourries aussi, hein. Bah, c'est ce qui fait partie du charme de bon, il est trop ok, hein. Ah, bien sûr. Puis de toute façon, je vous rappelle, dès le début, on ne doit pas regarder sur Internet. Donc on vérifie pas ce que. Mais on pourrait écrire plus d'infos, du coup. On pourrait écrire. Ah ouais. Bah voilà ce que je veux dire, c'est ça, naninana, j'ai creusé un peu, patati patata. Non, nous, on va rester pareil. C'est important. Et donc, tu veux que je continue ou tu continues? Bah, c'était ça, mon truc. Pourquoi on a trois prénoms? Bah, merci. Belle intervention. C'est quoi tes deux autres prénoms? Eh bah, ben, en fait, j'ai trouvé le moyen de devenir Lord en Irlande. Voilà. Hein ? Mais c'est pas moi. Pareil, c'est à la cantine encore. Il y a une personne qui était... Qui non, mais j'ai demandé c'est quoi tes autres prénoms ? Ah, Philippe et Henri. Ça passe très bien au commissariat. Ouais. Martin, Philippe, Henri. Voilà l'étalage. Oh. Ça m'étonnerait. Bah non. Ça doit pas être vous, ça. Non. Bah non, c'est pas moi, vous avez raison. Monsieur. Eh bien, merci. Merci de reconnaître. Je reconnais, ce n'est pas moi. Ouais. Martin, Philippe, Henri. Regardez ses mains pures, bah, blanches. Gentil. Mais vous êtes filmé. Mais ce n'est pas moi. Ouais. Moi, c'est Martin, Philippe, Henri. C'est pas... Pas l'autre. Gentil, moi. Gentil. Ring, ring, ring. Regardez, je n'ai qu'un œil. Gentil. C'est drôle, hein. Ouais. Tu veux le moyen de devenir lord en Irlande ? Vas-y. Alors pareil, dans cette, ce collectif, il y a quelqu'un qui a acheté un mètre carré. Tu peux acheter un mètre carré de... Comment ça s'appelle ? De tourbe. Pour sauver la tourbe en Irlande. J'avais entendu ça, ouais. Mais il te donne le statut de lord. Ah ouais ? Ouais. Ça sert pas à grand-chose, mais c'est cool. Ça fait rien. Mais t'imagines, par exemple, on se réunit, nous, on est 15. 15 lords. On a 15 mètres carrés. On peut faire un truc, tu vois. Ça coûte cher ou pas ? Non, non, ça coûte que dalle. Oui, c'est genre limite un cadeau de Noël, quoi. Ouais, ouais, c'est genre symbolique. Et toi, c'est qui aime bien Brevard, hop là, t'es lord maintenant, hein, tu vois ? Ouais, t'es mais imagine nos mètres carrés, ils sont ensemble. Bah, tu peux pas construire, mais je sais pas, ouais. Ça doit être drôle d'aller voir ton mètre carré un jour. T'imagines, il y a tous les mecs qui vont voir en même temps, ils se font la guerre. C'est mon territoire ! Ah, s'ils sont fans de trucs comme ça, ouais, de cap et d'épée, ils vont se marrer, ouais. Tu me rends mon territoire. Je vais conquérir ton mètre carré. Je l'ai eu à Noël. Arrête. Moi, c'était pour mon anniversaire. Mes 17 ans. Mais tu vois, tout ce qui se passe dans une cantine, c'est drôle. Et du coup, moi, j'avais soif de tous ces trucs-là. Et j'en ai une dernière. Après, j'arrête de cette cantine. Après, j'arrête. C'est ta cantine. Bah, c'était toutes ces histoires de ce collectif qui m'amusait beaucoup. Et surtout, attends, moi, ce qui m'avait choqué quand t'avais travaillé à ce démontage d'expo, Martin, je tiens à le dire. Vas-y. C'est tant qu'il y avait les artistes. Il y avait Catherine. Il y avait Catherine. Après, ils s'en vont. Il n'y a plus. Hop là, les petites mains, là, les techniciens. Ils n'ont pas de cantine. Les sans-dents, il n'y a plus rien. C'est donc vrai. Voilà. En fait, bon, étroqué, ça dénonce aussi. Bien sûr, on est avant tout là. D'ailleurs, c'était le principal souhait de bon étroqué, dénoncer. Ouais. Parce qu'en fait, ce que je voulais dire avec les camarades, c'est qu'en fait, puisqu'en fait, il n'y a plus les artistes, les gens n'ont plus faim. Les gens ne mangent plus. En fait, un intermittent, ça ne se nourrit que de bière et de cigarettes. C'est ça qu'on va partir ? Ouais. On part sur ça, c'est ça ? Bah, payez-les au moins les bières et les cigarettes. Monsieur Delande, je vous le demande. Vous voulez vous présenter à la mairie de Lille ? Hein, sur des magouilles. Ça, je n'y vais pas plus loin. Mais parlons-en. C'est bien. Est-ce que la culture... Ouvrons le débat. Et c'est des gens qui travaillent derrière. Est-ce que ça a toujours une importance à Lille ? Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. On attend votre réponse. C'est à vous, monsieur Delande. Je dois faire monsieur Delande ? Ouais, vas-y, j'ai hâte de voir ton invitation. Bonjour. Bonjour. Je l'ai croisé, moi. Il est super cool. Bonjour, Pierre-François ? Pierrot ? Comment ? Pierrot. Pierrot, bonjour Pierrot. Pierrot, camarade. Je peux vous appeler camarade puisque vous êtes socialiste ? Oui, oui, oui. Merci pour cette question. Merci. Et je pense que le débat que vous ouvrez aujourd'hui est important. C'est peut-être pas dans ce contexte actuel que nous pourrons y répondre correctement, mais bien sûr, on vous entend. Bien sûr, on est avec les intermittents. Bien sûr, aujourd'hui, la cantine pour tous. Ça, c'est un message important. Manger, qu'est-ce que c'est ? C'est le plus important. Un toit, manger. Et on sera là, cette année, en 2026, pour offrir un toit à tous et à manger, un repas. Voilà. Très bien. J'ai commencé en langue de bois, finalement, j'ai ouvert un... Non, mais c'est pas mal, monsieur Delande. Du coup, bah, on prend acte et on se voit juste à l'épiphanie et on en parle. Allez, plutôt pomme ou... Frangipane. Ah, moi, je suis clairement frangipane. Ah, clairement, moi aussi. Ouais. Pomme, c'est vraiment... On va pas juger, mais... Boring. Est-ce que t'as vraiment une passion, quoi ? C'est clair. Moi, ouais. Je connais des gens qui aiment bien la compote. Hein. Bah, la compote, c'est bon. Mais c'est vrai que c'est une tarte à la compote. Tu as raison de le préciser. Voilà, on est d'accord. Mais la compote, c'est bon. Ah, ouais, c'est très bon. Mais bon, une frangipane. Oh putain, c'est le délice quoi. Mais oui. Moi je pense que je peux en manger sur cette période-là jusqu'à temps à dire ah oh, ça m'écœure, je veux. Mais j'ai l'impression qu'ils en mettent jamais assez. Mais maintenant, j'arrive à trouver les bonnes, tu vois. Mais il faut charger en frangipane. Faut charger pas, faut arrêter. Charger. Okay. Faut arrêter, quoi. Mets-moi pas une demi-frangipane, quoi. Genre, c'est quoi tes plans? T'es en tête, là? Tu pourrais dire... Ah, je pourrais vendre un peu de... Parce que c'est bientôt, quoi, donc... Bah, je vais chez Mathieu. C'est hyper cher, hein. Ah, par contre, ça coûte une couille. C'est 25 balles... N'importe quoi. En plus, j'ai pris cerise griotte pistache, là. Ah oui, c'est vrai qu'ils font des drôles de trucs comme ça. Mais j'adore la pistache. Ouais, mais c'est pas frangipane. Je sais. Non, mais j'étais faible. Je sais pas. Je crois qu'on en a déjà parlé, parce que je crois que ça nous... On accorde beaucoup d'importance aux galettes des rois. Ouais, mais j'ai l'impression que nos auditeurs, ils retiennent pas, du coup, on répète, quoi. Et gogol. Voilà. Et les gogol. Vous avez... Vous êtes là, les gogol. Si quelqu'un se rappelle qu'on en a parlé, qu'il le dise. Ou qu'il se taise à jamais. En fait, depuis le début, on n'a pas eu de commentaire. Mettez-moi un point d'interrogation. Putain, mais ouais, mettez-nous un commentaire, bordel. Voilà, maintenant, on se dévoile. Il n'y a personne qui nous parle, il n'y a personne qui nous parle sur les raisons... Les gens, ils disent, on aime bien et tout. Même pas, on fait des émissions maintenant, elles sont plus longues, personne ne remarque. Eh, je viens juste de sortir du travail, Martin, il a travaillé toute la nuit, putain, on n'en peut plus. On est là. Et notre but, c'est d'en faire encore un le 26 décembre. Voilà. Voilà, maintenant, pour vous, on le dit pour comme vous, ça. Hein. Pas pour nous. Hein. C'est sûr qu'on va le faire, mais peut-être pas. Mais notre objectif, c'est ça. Si prochain épisode, vous entendez, eh, on est le 28 décembre, toujours un vendredi. On aura réussi. Ça sera notre Noël et votre Noël. Voilà. On va pas à des objectifs plus loin que ça. Mais ça, c'est bien, tu vois. Au jour le jour. Bah, la semaine, là, quand même. Tu projettes la semaine prochaine. Putain. Et en plus, le 26, ça annonce 2026, tu vois. Bon. T'as tout dit, ça sera nos résolutions. Sauf si on n'assume pas notre célébrité. Voilà. Il y a un débat encore. On verra. Être sobre. Sobre en célébrité, ça sera peut-être un autre humble. Objectif. Ouais. Voilà. Humble. Parce que c'est vrai que tu te la racontes, Pyro, dans la rue, c'est. C'est pas de ma faute. C'est avec ton garde du corps là. Mais il est très sympa. Oui, mais ça sert à rien en fait. Pourquoi avoir un garde du corps Pedro est très sympa. Oui, mais est-ce qu'il est utile? Pedro est super sympa. Parce que Pedro, il est tout le temps avec moi. Il me dit, bah ouais, bien sûr, t'as raison, mon Pierrot. Je fais, bien sûr, mon Pedro. Tu me dégages celui-là, s'il te plaît. Et quand il tape, wow, Pedro. En fait, t'as payé quelqu'un pour te supporter. Ouais. Pedro, t'es pas gosse quoi, toi? T'es C'est mon Pedro à moi. Puis tu sais, juste vraiment, quand il me raccompagne à ma porte, on se fait un gros hug. Et je fais, tu vois que t'es doux, mon Pedro. Il fait, bah oui. Et boum, il s'en va. J'adore ça. C'est le meilleur moment de ma journée. Pedro, il a la voix de Boubou. Pedro, c'est Pedro, mon copain. Mon Pedro. Humble. Humble. Pardon. 2026, humble. Mon Pedro. Ah putain. C'est pas évident. On mettra, si on a 10 followers de plus, il y aura une photo de Pedro. Voilà. Mon Pedro. Mon Pedro. Est-ce que c'est un petit conseil culture? Allez. À toi. Ah ouais? Mais je n'en ai pas préparé. Moi non plus. Moi j'ai ma musique parce que tu m'as dit de... C'est dit que c'était à toi. Ouais. Voilà. Mais c'est tout. Qu'est-ce que je pourrais conseiller culturellement? Je sais pas, tu vas souvent au cinéma. Ouais, mais parfois je... Ouais, t'as pas envie de déconseiller ceux-là. Non, je vais critiquer, tu vois. Ouais, le dernier album de Rosalia, moi j'ai bien aimé, tu vois. Eh, ça t'es pas le premier. Il y a eu un gros débat, en fait, je sais pas, il dit, ouais, il y a un orchestre philharmonique, nanani, nanana. Ça chante c'est en allemand un aussi, non patati. Ouais, puis pareil, il y a un morceau avec Björk qui est un peu barré et tout, mais moi j'ai trouvé cet album magnifique, quoi. Franchement, il était à fond chez moi ce matin. Je l'ai pas écouté. Bah en fait, j'aime bien vraiment. En fait, c'est quelqu'un qui fait ses projets, qui s'en bat les couilles de qu'est-ce qu'il faut faire à quel moment. Elle bosse 2 ans sur un projet, il sort. Elle deviendra qui pourra. Et franchement. Mais même son album d'avant, il était bien, quoi. Bah, Motomami, je trouve qu'il était plus accessible pour tout le monde. Celui-là, il est un peu moins. Oui, il était très populaire, très pop, ouais. Quoi. Mais c'est génial ce qu'elle fait. Non, mais carrément. Bon, je partage, Martin. Ouais. Je l'ai pas écouté, hein, mais. Je crois que j'avais envie de parler d'autres trucs en plus. Ah oui, musicalement, j'ai écouté des artistes un peu engagés aussi. Oh là là. Mais j'ai pas noté les noms, désolé, je peux pas vous aider. Le gars, il écoute des trucs engagés. Ouais. Il y avait une artiste chanteuse palestinienne et un sud-américain qui était hyper engagé. Mais j'ai pas noté, j'ai oublié de noter. J'en reparlerai la prochaine fois. Mais vraiment, c'était good vibes. C'était vraiment des morceaux feel good un peu, tu vois. D'endroits où c'est un peu le bordel. Et je trouvais ça fort. Voilà, c'était un peu le sujet. Mais je peux pas trop, c'est pas trop un conseil culturel vu que je donne pas les noms. Après, je pourrais regarder sur mon téléphone, mais c'est interdit par la loi de voir un troquet. Tout à fait. Si, le dernier film que j'ai vu, c'était Dossier, purée, je sais plus, 137, 127. Oh, tu peux dire n'importe quoi, ils vont trouver les gens. T'sais. Ouais, Avec Léa Drucker. C'est un 7 en tout cas. Ouais, c'est un 7, c'est sûr. Léa Drucker, on adore. Je sais pas. Ah si. Non, j'ai l'impression qu'elle est cool cette meuf. Bah, en tout cas, elle jouait très très bien. Et le film était bien, c'est sur les gilets jaunes. Quoi, le mouvement des gilets jaunes et aussi les mecs qui se sont fait. C'était quand ça non, c'était quand gilets jaunes. Bah, c'était juste avant Covid. Juste avant Covid. Et, enfin, la lutte, la lutte. La lutte continue. Et le film est très bien, ouais. Donc okay. Je le conseille fortement. Dossier, je pense, c'est 137. Si vous avez l'occasion, il dure, et ça c'est un de mes critères, tu vas me confirmer Martin, il dure presque 2 heures. Pour moi c'est trop à la ouais, base, mais et ça là passe. Ça passe tout seul. Donc c'est signe de qualité. Okay. Mais c'est le mec qui fait qui fait plein de films bien quoi. Je me suis rendu compte après du réalisateur. Voilà, on est toujours très précis dans votre okay, donc c'est le réalisateur, c'est le gars qui fait plein de films bien. Non mais voilà. Il a fait non, seul si les vous bêtes. Cherchez sur Google, vous tapez réalisateur qui fait plein de films bien. Son premier film qui était un peu connu, c'était Seul les bêtes, mais l'année dernière, il en avait sorti un sur qui parlait du féminicide et je me rappelle plus du sujet. Et ça, c'est en fait, ça interview que les hommes et qui tous se dédouanent un peu du la situation quand ils ont rencontré cette femme. Not all men. Il y a un côté comme ça, mais tout est bien tourné, quoi. Tout est bien filmé, tout, le propos il est juste. Et donc, je savais pas en allant voir ce film-là que c'était ce réalisateur. Et du coup, j'ai vu après, j'ai fait ah bah ok, je comprends pourquoi j'aime bien. La pâte est bonne. Moins bon que son film précédent, qui était peut-être La Chambre. Oh, je sais plus. Je dirais 62. Chambre 62. 62, Thibaut. Voilà. Martha, tu peux nous dire ce que tu veux mettre en musique. Bah, ça va être un peu long comme intro. Mais vas-y. Tu voulais en parler en plus, tu m'as dit. Non, mais j'en parle léger. Mais en fait, c'est comment ça tombe dans mes oreilles les sons, tu vois. C'est important aussi. Mm-hmm. Et là, ça va te plaire. Ça va te plaire de fou, mec. J'étais là, donc, sur Insta, je crois. Je bossais, j'étais avec mes baskets. Voilà. Bam, dans la gueule. Elle est tombée, la basket. Ah, tiens. J'ai pas fait mon lacet. Eh, Matt Pokora, désolé. C'est Strasbourg, c'est ça. C'est oh, ça, t'es pas, non, excuse-moi. Eh, il mélange tout, en fait. Et Ah, là, je suis perdu. Pardon. Alors, comment c'est tombé? Ah ouais, Insta. Et du coup, je vois une vidéo du club de basket de Paris. Un des clubs, il y en a plusieurs, j'imagine. Mais le meilleur, c'est quoi le meilleur club de Paris? Celui qui est champion France, c'est Paris Basket Club. Bah voilà, bah c'est les joueurs du Paris Basket Club qui sont interviewés, qui sortent, genre ils sont dans le couloir ou j'en sais rien, ils sortent du bus quoi, avec les casques et tout. Et un gars il leur dit, ouais c'est quoi si tu commences un DJ set, tu mets quoi, c'est quoi ton banger, tu vois, pour en ouverture de machin. Et il y a tous ces gars là, ils sont là, ouais nanani, nanana, nanana, et je trouve ça trop stylé. Et il y en a un, je sens qu'il a une assurance de fou, et il dit, moi j'écoute Alex Jean, my bag. Get my bag, je crois. C'est... Bon, tu trouveras le titre tout à l'heure que tu vas lancer. C'est my bag, je crois. In my bag, voilà. C'est ça. Et je me dis, vas-y, tu sais quoi, je vais écouter ce son. Et le son, il est ouf parce que, déjà, moi, Alex Jean, du coup, je l'appelle Alex Jean, comme Franck Océan, tu vois. Ouais. Je francise tout. Bah, je fais pareil. Bah, c'est bien. Donc, Alex Jean, et c'est In My Bag. Et en fait, je découvre là, parce que j'ai voulu travailler un tout petit peu dessus, mais vraiment léger, quoi. C'est en fait un rappeur chrétien. Genre c'est un peu du prosélytisme, mais j'avais pas capté moi. Vous allez écouter son, genre on dirait jamais qu'il parle de religion et tout. C'est, tu sais, c'est une voix grave, c'est un instru lourd. T'as l'impression que tu vois, il dit viens on va tout péter quoi. Du coup c'est un peu tu un vois, défi. Parce qu'on connaît rien en fait. Enfin, les gens ils vont écouter, ils vont essayer de trouver un Jésus-Christ. Il y en a plein. Et du coup ouais, quand tu comptes maintenant que t'as cette info là, tu vas entendre Jésus tout partout. Ah, mais la première fois que je l'entends, moi j'entends on va tout péter, tu vois. Yo, genre, oh. On va tout péter, on va tout péter. Tu vois. Et après je rentre dans mon sac, tu vois. C'est tout, alors enfin, je rentre dans mon sac, tu vois. Et moi, je sais pas, je croyais que genre, ouais, tu sais, ils allaient détruire la ville, et après ils rentraient dans leur sac, tu vois, se cacher, j'en sais rien. Et bref, voix de ouf, une prod lourde, je me suis dit, vas-y, c'est, ça part. Et après, bon, la dernière fois, j'avais invité d'écouter tout ce qu'il fait, là, je sais pas s'il faut écouter tout ce qu'il veut. Mais en tout cas, il est extraordinaire, quoi. La vibe, t'aimes bien, quoi. Vous allez tous l'aimer, en fait, je pense que tu peux pas ne pas l'aimer. Ça marche. Voilà, bonne écoute, In My Bag. Et nous, on se dit à dans une semaine, hein. Inch'Allah. Le 26 en 2026. Comme ça, on parle de tous les dieux, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, faut pas se rendre fou. Je savais pas que c'était un truc religieux. Je sais pas si c'est vraiment du prosélytisme. Enfin, je vous laisse écouter. Tchuss. De toute façon, on comprend rien en anglais. They want the Cartier wrist, watch, chain. I want the kingdom of God, purpose, plain. Don't wanna live that life, sad, vain. Why don't they see that strange? Can't you see? I made in his image. I'm washed by the blood. He ain't leaving the stain. Leaving the game. Stepping his prisons. I promise, little dog, I ain't leaving the same. Back in the game, they wanted me to be popping. I'm shooting my shot with the aim. This pressure is different. This father is different. This favor is different. Ain't nothing the same. I'm getting back in my bag. getting back in my bag, Christ bag. Remember, I used to be stuck in the hood. I just had to take me the right path. Baptized, Jesus had came in and gave me a light bath. And anytime I see a demon, I pull out the sword and give him a nice stab. I used to carry that drink like Adonis, with hands on a chronic, but I gave it up. Keep the word on my head like a bonnet. I'm just being honest, that just what's been keeping me up. Plenty people told me I should stop it, Jesus told me pop it, so I'm finna give him a buck. He had to get on that cross, so I'ma give him my life and him that I trust. Huh. Yeah, go to Jesus, he the only way. I'm getting back in my bag. I'm getting back in my bag. I'm getting back in my bag. Yeah. This Bible is different, this word it be hitting, ain't nothing the same. I know I'm forgiven, I'm living repented. They want me to slide, but I'm not finna bang. I get it, I did it, I'm on it, I got it. I'm ballin' with Christ and we deep in the pain. You died for my sin and it made me a saint. I just know, matter of fact, I keep praising your name. Go to Jesus, I'm getting back in my bag. He the only way. Go to Jesus, I'm getting back in my bag. He the only way. Go to Jesus, I'm getting back in my bag. He the only way.